comme chaque lundi, ça commence. Il est venu en avance, il me sourit, l'innocent. Il ne sait pas ce qu'il attend. Il pose ses mains sur le clavier, je ressens soudain l'envie de crier. Do dièse à la clé, je me mets à gueuler. Oh, il me regarde tout peiné. J'ai envie de le pousser du tabouret pour lui montrer ce que c'est que le blues du prof de piano. J'attrape sa partition et j'entoure toutes les altérations alentour. En rouge, en jaune, en vert, pauvre Schubert, ainsi décoré, père de sa dignité. Mon pianiste apprenti me regarde et me dit: j'ai pas pu travailler, désolé. J'avais piscine et puis tu comprends, travailler c'est quand même un peu chiant. J'ai envie de l'assommer à coups de pupitre avant de lui marteler le blues du prof de piano. Alors qu'il continue son laïus, je sens que je vais faire un infarctus. Il veut apprendre la lettre à Élise, manquait plus que ça, j'ai plus qu'à faire mes valises. Partir très loin pour oublier cette vieille rengaine, mirez, mirez. Mon vieux Ludwig, sur ce coup-ci, t'aurais mieux fait de rester dans ton lit. T'aurais mieux fait de t'asseoir au clavier pour jouer le blues du prof de piano. Ça fait comme ça. Piano, piano, fortissimo. C'est le blues de la prof de piano. Un peu maso, un peu schizo. Totalement barré, un poil sur le nez, c'est la méchante prof de piano.